devrait venir sur un point. Dans les descriptifs que vous venez de présenter, je voudrais demander comment on peut l'articuler avec les derniers mots du texte à l'Université comme foule, qui concerne la question fin de la foule. C'est la question de la ruse. La question de la ruse. C'est ça. J'ai repris l'expression française fendre la foule. Fendre la foule, ça désigne cette possibilité, quand il y a une foule, de la traverser et de suivre la voie que l'on avait déterminée sans se laisser détourner par pas. C'est ça, fendre la foule. Ça réclame soit de la force physique, soit de la force morale, mais ça peut réclamer aussi un art de contourner les corps qui font obstacle. Je pense que il y a deux échelons. Il y a l'échelon mondial, c'est ce que je l'évoquais, avec les difficultés mondiales que j'évoquais, et puis il y a l'échelon français. Donc, au niveau mondial, je ne peux pas répondre de façon globale. J'ai pu voir des collègues américains ruser, essayer de passer par les mailles du filet pour avancer quelque chose qui ne soit pas simple demande, réponse à la demande du marché. Les universités américaines sont dans une situation difficile. Elles y répondent d'une manière qui les enferme, qui n'est pas sans danger pour elles et pour la société tout entière. La tactique qu'elles ont choisie, c'est une tactique de, en quelque sorte, d'autonomisation. Le monde universitaire aux États-Unis défend de manière extrêmement ferme des libertés universitaires. Bien. C'est une sorte de muraille qui les autonomise à l'égard du reste de la société. Mais le prix à payer est très lourd. Le prix à payer est très lourd et on l'a mesuré aux dernières élections. C'est que, politiquement, la foule universitaire des campus, enseignants, étudiants confondus, n'ont pas su faire de politique. Ils n'ont pas vu que, entre deux mots considérés comme un mal, à savoir Hillary Clinton, et un autre mal qui était Donald Trump, il fallait choisir le moindre. Et ils ont finalement prononcé à choisir. Parce qu'en fait, au sein du monde clos que représentait le monde universitaire états-unien, la méfiance, le mépris, le rejet d'Hillary Clinton était devenu incomparablement plus fort qu'il ne l'était dans le reste de la société. C'était devenu presque une marque d'appartenance au monde universitaire que d'être, à l'égard d'Hillary Clinton, d'une sévérité sans remède. Et c'est ça que j'appelle ne pas savoir faire de politique. Pardon, oui. Pardon, mais d'un autre côté, j'entends votre démonstration, mais d'un autre côté, D'un côté, c'est pas bien grave qu'ils n'aient pas choisi entre deux mondes, puisque de toute façon, il y avait 3 millions de voix en plus pour cette dame. Et que donc là, c'était pas là le problème. Il me semble que le problème, c'était surtout ne pas connaître sa carte électorale sur le bout des doigts. Oui, c'est bien ça. C'est ça qu'on appelle faire de la politique aussi. Ah, ça, d'accord. C'est ça le problème. C'est pas le problème qu'elle n'ait pas été aimée, puisqu'il y avait 3 millions de voix de plus pour elle. Je suis d'accord avec vous. C'est la carte électorale qui a fait défaut, là. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est ça que j'appelle faire de la politique. C'est-à-dire qu'il y a... Je prenais cet exemple, je ne vais pas rentrer dans le débat qui est annexe. Je prenais cet exemple pour dire que rien n'est simple. La tactique défensive, même plus qu'une tactique, une stratégie. La stratégie défensive que le monde universitaire états-unien a choisie pour se protéger des exigences directes du marché ne la protège pas des exigences indirectes. C'est clair. Et d'autre part, la met dans une situation de ne plus pouvoir du tout entrer en relation avec le reste de la société. Et ça, c'est une conséquence très, très dangereuse. Concernant la France, pratiquer la ruse au sein des universités américaines, ce n'est pas exactement la même chose que pratiquer la ruse dans les universités françaises. Pourquoi ? Parce que les universités françaises, il n'y a pas de mur qui les protège. Pas du tout pareil. Il n'y a pas de mur qui les protège. Et il y a de moins en moins de murs qui protègent de moins en moins d'institutions. Les écoles normales supérieures ne sont plus protégées, en vérité. Elles l'ont été longtemps, elles ne le sont plus. Pensez que l'école polytechnique l'est encore, que l'ENA l'est encore, parce que peut-être leur soumission est considérée comme acquise d'avance. Mais il n'y a plus, le CNRS n'est plus protégé par un mur, l'école pratique, les différentes écoles pratiques d'études ne sont plus protégées par quelques murs que ce soit, enfin toute une série. Et ces murs, c'était des murs qui étaient des murs qui tenaient plutôt à une forme de respect, d'une tradition, on me disait finalement, ça ne coûte pas tellement cher que ça, ça permet de, entre des gens qui pourraient, qu'on aurait sur les bras comme SDF et des gens qu'on a avec à peu près au même prix au sein de l'école des hautes études, bon, ça se discute. Aujourd'hui, c'est à mon avis, toutes les protections sont en train de tomber. Et elles sont en train de tomber parce que, effectivement, le système d'évaluation, parce qu'il y en avait un, hérité dans les universités françaises, dans le système français, ne correspond plus, n'entre plus en correspondance avec le système d'évaluation mondial. Le système d'évaluation français continuait à considérer que le livre comptait autant que l'article. L'idée même de la thèse d'État était que la thèse d'État devait devenir un livre, et ce système-là, je le répète, ne correspond plus du tout au système mondialement valide. L'évaluation par concours est considérée comme totalement incompréhensible, et ça donne le résultat suivant, c'est que, je ne prends même pas un exemple lié directement à l'enseignement. Et vous avez en France des conservateurs de musée. Ils sont recrutés, ils l'étaient en tout cas, la dernière nouvelle, mais là, il y a 2 ou 3 ans, il est possible que entre-temps les choses aient changé. Ils étaient recrutés sur la base d'un concours. très, très sélectif. Bon. Quand ils entraient en relation, conservateur de la musée, conservateur du Louvre, par exemple, il entrait en relation avec son homologue du Grand Musée de Boston, par exemple. Son homologue du musée de Boston, lui, il était docteur. Il avait fait un PhD. Et il ne comprenait pas à qui il avait affaire. Il avait affaire à quelqu'un qui n'avait pas de diplôme à ses yeux. Réussir un concours, ça n'est pas un diplôme. Donc en fait, je peux prendre un autre exemple, celui de l'agrégation. Quand j'ai été sortir de la rue, j'ai été agrégé, à l'époque c'était le fallait de soi, si j'ose dire, j'étais agrégé, il était question que j'aille aux États-Unis, il a fallu des relations pour que être agrégé soit considéré comme équivalent d'un diplôme, parce que l'agrégation, ça n'est pas. Donc, tout le système français qui considérait que l'excellence passait par des concours sélectifs avait mis en place un système d'évaluation aussi rigoureux, si vous voulez, que d'autres, mais qui n'entre pas du tout en correspondance avec le système. Donc, la question de la ruse ne peut pas se poser de la même manière. La ruse dans le monde des États-Unis, c'est une ruse à l'intérieur d'une muraille de Chine. La ruse en France, c'est sans muraille, c'est à tous les vents. Donc, il faut savoir, me semble-t-il, utiliser aussi cet extérieur. C'est pour cela, je ne dis pas que je sois un exemple, mais j'ai essayé d'exister dans le champ clos de la linguistique internationale, qui était un champ dominé par les États-Unis à l'intérieur de la Corée. C'est à quoi correspondent mes articles de linguistique que j'ai d'abord publiés sous forme d'articles dans des revues classées, etc. Et au milieu, ce qu'il fallait pour exister en termes de l'évaluation états-unienne. Mais par ailleurs, je savais parfaitement que pour exister dans le système français, il fallait publier des livres. Et de préférence, des livres qui ne soient pas seulement des livres liés à une discipline aussi technique que l'était la linguistique. Vous direz, mais vous décrivez, oui, je décris un peu, sous l'angle de la ruse, le parcours qu'a rappelé Pino Prado, où vous avez d'un côté des articles de linguistique qui a cité l'existence, mais qui ont existé. Et il faut savoir que la durée de vie d'un article, dans quelques disciplines que ce soit, elle est très courte. Dans le système mondial, elle est très très courte. Un article dure, l'écho qu'il a dure au maximum 2 ans. Parce que, ou bien il n'a pas d'écho du tout, alors là, bon. Ou bien il a un écho, et s'il a un écho, il est tout de suite réapproprié, on le cite, c'est à son honneur, etc. Mais d'emblée, dès 2 ans, il est passé, il est obsolète, parce qu'on a fait lieu. C'est la loi de la recherche. C'est la loi de la recherche. Max Weber le dit. La loi de la recherche, c'est que toute découverte est appelée à vieillir. Au niveau des individus, le vieillissement est de l'ordre de 2 ans. évidemment, si vous êtes Einstein, vous découvrez la relativité restreinte. Bon. Mais même Einstein a vécu le vieillissement de sa propre, à la fin de sa vie à Princeton, mais dans un isolement absolu. Donc, sachant bien cela, par ailleurs, les livres peuvent avoir une durée de vie plus longue. Rusé en, sur les temps, sur les modes d'écoute que l'on peut obtenir, c'est quelque chose qui, je crois, est maintenant absolument nécessaire si l'on veut que quelque chose de l'ordre du savoir continue de s'inscrire dans les formes sociales. Si on considère que ce mode d'inscription est superflu, enfin, c'est autre chose. Même à l'égard des dirigeants, des décideurs, un livre, ça n'est pas rien. C'est, en France surtout, où le rêve, c'est pas d'écrire des articles. Ça, parce que c'est le rêve, c'est pas de faire une thèse, pas idée de ce que c'est. Mais écrire un livre, oui. Alors, bien sûr, préférerais écrire un best-seller, de voir Venise, Alain Juppé, ou dans toutes les bonnes bibliothèques. Mais tout livre. S'il rencontrait quelqu'un comme Lévi-Strauss, quelle idée de qui était Lévi-Strauss, sinon parce qu'il avait écrit au moins un livre qui avait marqué l'opinion, qui s'appelait Triste Tropique. C'est ça que j'appelle une plus. Lévi-Strauss, le livre avait pour Triste Tropique, c'est un livre qu'il méprisait, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est un livre qui n'est pas un livre de pur savoir, mais qui permettait de véhiculer quelque chose de son savoir. Il me semble qu'il ne faut pas négliger ce type de ruse quand on en a les moyens. Les zones d'interférence entre savoir, curiosité, implication politique sont des zones qu'il ne faut pas laisser à l'abandon. C'est un choix individuel. Enfin, est-ce que ça répond à votre... Oui, je voudrais faire une... Voilà. Prolonger ou revenir sur ce que vous appelez la ruse dans ce contexte-là. Vous avez dit que la ruse peut exister. Vous avez aussi parlé pour inscrire quelque chose de savoir qui ne soit pas simplement une réduction à la demande du marché. Cette ruse, elle est peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'elle est peut-être éthique? Mais ce n'est pas une ruse politique. Êtes-vous d'accord avec ça? Les enjeux actuels tels que vous les dessinez pour fondre la foule, ce n'est plus un enjeu politique. Est-ce qu'on peut dire cela? Dans mon cas, ça ne l'est pas. Dans mon cas, ça ne l'est pas. Mais je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui... veut défendre la possibilité d'une discipline au sens large. Je pense qu'il y a des débats qui ont eu lieu autour de la psychanalyse. Mmh. La possibilité que la psychanalyse continue d'exister comme profession. Ça, c'est une question qui, dont malheureusement, le dernier mot revient au maître politique. Même chose, la question de savoir si la, l'enseignement doit être envisagé selon la perspective des savoirs ou selon la perspective de technique du corps qu'on appelle les techniques pédagogiques. À la fin des fins, dans un pays comme la France, c'est une décision qui appartient aux politiques. Et là, ceux qui s'insèrent dans cette discussion-là sont obligés de faire de la politique. Mon cas, cette ruse n'est pas politique, mais je ne peux pas exclure qu'elle le soit. Ça veut dire quoi, une ruse politique? Si vous voulez obtenir un résultat qui vous paraît souhaitable, peu importe que vous l'obteniez en faisant valoir, enfin, d'un décideur qui les prend pour de mauvaises raisons. Si la décision a de bonnes conséquences, peu importe que celui qui l'a prise ait eu de mauvaises raisons. C'est ça que j'appellerais une ruse. Nous avons, enfin, nous, pas au sens global dans cette salle, mais nous savons très bien, il suffit de voir un film comme la liste de Schindler, qu'on peut obtenir des résultats en se fondant sur ce qu'il y a de pire chez celui qui a le pouvoir. Et obtenir de lui des décisions qui soient prises pour une très mauvaise raison. Il n'a pas du gain, par exemple. C'est ça, j'avais une ruse. Eh bien, dans le domaine moins tragique, mais parfois aussi dramatique, le domaine de la gestion des savoirs, je pense qu'on ne peut pas écarter la possibilité qu'il faille faire usage de ce type de ruse. Moi, je n'en sens pas, j'en ai pas le talent, mais je pense que oui, la question se pose. Si c'est en faisant jouer les ressorts de la vanité d'un chef d'État que l'on peut obtenir qu'il ait une politique plus généreuse ou plus intelligente à l'égard de savoirs, il faut faire, malgré il faut faire utiliser ces ressorts. Vous décrivez là la ce qui se passe dans une lutte, parce que j'ai tout de suite en mémoire toute la lutte des intermittents en coordination, où effectivement on parlait, après je crois que c'est Acteur qui avait parlé de tout ça, ou je ne sais plus qui, la stratégie du salami, c'est-à-dire donner par tranche au pouvoir politique ce qu'on veut qu'il décide. Hein, l'amener à décider par tranche et puis en avant. Quoi. Ça n'est pas pour moi. Si vous voulez, la situation objective parlons des savoirs comme une entité que l'on peut globaliser, mais la réalité matérielle, c'est qu'elle est supportée par cette globalité, elle est supportée par des groupes d'individus qui sont très très différents les uns des autres, très très dispersés et parfois. Au premier abord, se pense en opposition. Donc, la situation. Dans le cas des intermittents, l'ensemble des intermittents avait un intérêt commun. Mais là, nous ne sommes pas dans le domaine des savoirs, c'est pas du tout pareil. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais il y a une époque où les relations entre le CNRS et les membres du CNRS et les universitaires n'étaient pas les meilleures. J'ai connu une époque où, entre l'enseignement, par exemple, les classes préparatoires assurées par l'enseignement secondaire Et le premier cycle universitaire assuré par des universitaires, c'était du tout couteau. Aujourd'hui, la situation est calmée, mais à quel prix ? C'est-à-dire maintenant, outre le fait qu'on a réglé de la pire des manières l'admission post-bac, mais maintenant, toute la société française est d'accord pour considérer que si on a les moyens d'éviter d'envoyer son enfant dans un premier cycle universitaire, et qu'on a les moyens de faire aller dans une classe préparatoire, il vaut mieux aller dans une classe préparatoire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire prolonger le cycle de l'enseignement secondaire au-delà du bac. C'est une solution, je ne sais pas que cette soit mauvaise, mais on voit bien qu'elle est entièrement contradictoire avec la conception d'un enseignement supérieur qui commence au baccalauréat. Moi je ne suis pas, ce qui marche, je suis pour que les choses marchent le mieux possible, mais enfin, on est là dans une tradition très claire où on voit très bien que la société française sait quoi faire de son enseignement secondaire, sait quoi faire de son enseignement secondaire, y compris après le bac, en organisant les classes préparatoires qui coûtent cher. Du point de vue, on a fait des calculs. Un élève de classe préparatoire coûte plus cher qu'un étudiant du premier cycle, mais c'est quelque chose que la société française accepte parfaitement, puisqu'à la sortie, il y a ce qu'elle considère comme le bon résultat. Le critère, c'est quoi ? C'est assez globalement un critère économique, un critère socio-économique. Et on voit bien, en revanche, que la société française ne sait pas quoi faire de ses universités, puisqu'elle n'est pas capable de leur demander ce qu'elle veut. Je voudrais revenir sur la question de la ruse. D'un autre point de vue, une figure des ruses que je voudrais évoquer et voir avec vous si vous la tenez pour anachronique aujourd'hui. Enfin, ce que j'appelle la ruse, d'après ce que vous venez de dire, par rapport à la question des fonds de la foule, je me suis souvenu d'une décision de Roland Barthes dans cette maison quand il a commencé à enseigner plutôt au Collège de France. Je cite la phrase que vous connaissez bien. Je crois sincèrement qu'à l'origine d'un enseignement comme celui-ci, il faut accepter de toujours placer un fantasme qui peut varier d'année en année. Et puis il commente cette idée de mettre un fantasme à l'origine de l'enseignement. Il commente en disant ceci: ce principe est un principe général. La chose à ne pas supporter, c'est de refouler le sujet, quels que soient les risques de la subjectivité. Je suis d'une génération qui a trop souffert de la censure du sujet. Et après, il va évoquer l'université comme ayant été les lieux du triomphe de la philologie, je le cite, et il propose ces gestes donc comme, je dirais, on peut peut-être dire, rusé ou contrer ce triomphe-là et ouvrir vers autre chose. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de poursuivre dans cette perspective-là ? Non, dans la perspective de la ruse, oui, mais pas forcément la même. Parce que Roland Barthes évoque une université, celle qu'il a connue comme étudiant, l'université dominée par la philologie, où la dimension de la subjectivité était censuré. Je dirais qu'aujourd'hui, le dispositif n'est pas forcément le même. La place de la philologie est très largement disparue. Et on assiste plutôt à ce que j'appellerais justement le fantasme. C'est-à-dire que la subjectivité est elle-même devenue un fantasme. La philologie avait pour fantasme l'objectivité, ce qui entraînait la censure du sujet. Et aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, des domaines que Barthes pouvait fréquenter, c'est au contraire un fantasme de subjectivité qui a pris la place. Et je pense que la ruse consiste précisément à repasser par les voies de l'ultimation. C'est pourquoi, par exemple, je parle de la puissance du détail. Le détail c'est quelque chose qui s'impose objectivement. Tout le point, c'est de faire servir cette objectivité du détail pour dissiper les fantasmes de subjectivité. Et à la faveur de ce travail, de faire surgir, dans le meilleur des cas, une subjectivité réelle. Donc, la ruse, le recours à la ruse, se retrouve, mais la ruse n'est pas la même, parce que le fantasme n'est plus le même. Après tout, d'un certain point de vue, Barthes a triomphé institutionnellement, ce qui, à ses propres yeux, aurait été contradiction dans les termes. Le Barthes institutionnalisé est évidemment un Barthes dont la subjectivité a été transformée en fantasme de subjectivité. Et faire exploser ce fantasme, il faut d'autres ruses que celles dont Barthes faisait usage. C'est quelque chose qui arrive. L'institutionnalisation est quelque chose qui se passe. Après tout, Jésus a donné Dieu à l'Église, et Dieu sait que ce n'était pas forcément son dessein. Il attendait plutôt le royaume de Dieu. L'Église, c'est la même chose. De la même manière, la subjectivité précieuse, la galva de la subjectivité de Barthes, est aujourd'hui devenue, dans beaucoup de cas, a pris aujourd'hui un poids institutionnel. C'est arrivé à Sartre, c'est en train d'arriver à Foucault, c'est arrivé à Deleuze. C'est normal. Les ruses du renard sont. Le renard est rusé parce qu'il ne fait jamais la même chose. C'est à ça qu'on le reconnaît. Et les ruses sont inès. Polytropos, nous étant du 10, ça veut dire beaucoup de tout. Et la ruse doit avoir beaucoup, beaucoup de tout. Est-ce qu'on peut faire une hypothèse parce que je me suis penché récemment sur cette façon dont, je ne vais pas en termes de ruse, mais je peux le dire en termes de ruse maintenant, dont l'université récupère, si je puis dire, ou institutionnalise, ou neutralise les ruses. Et il me semble qu'il y a une... Je pense à un cas précis, parce que l'expression l'institutionnalisation des marques, c'est une contraction dans le terme, c'est une expression qui vaut, me semble-t-il, pour Wittgenstein. Et un disciple de Wittgenstein, Maurice Drury, a dit que tout ce que Wittgenstein avait voulu dire, en particulier un cri d'alarme concernant l'université, a été repris par l'université et on a fait des milliers de thèses et il a eu un grand succès universitaire. Et Drury compare la situation de Wittgenstein avec celle du clown dont parle Kierkegaard, le clown qui vient dans un théâtre et dit au secours il y a du feu et tout le monde l'applaudit en disant c'est très bien joué, et plus il s'angoisse, plus les gens applaudissent. Et est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de métalangage universitaire qui reprend des textes, qui les, avec les définitions autonomiques, qui les met entre guillemets, qui les récite, et ce faisant, en publiant des thèses, etc., ce faisant neutralise la puissance, le tranchant critique de ces textes. J'ai l'impression aujourd'hui, disons avec des texte du Foucauldien, qui par exemple parle du courage de la vérité, puisque Foucault en a parlé de la fin de sa vie, mais il les neutralise. C'est-à-dire, c'est les courage de la vérité dont parle Foucault, sur lesquels il faut commenter, mais ce n'est pas ce, dont il s'agit, c'est pas ce qu'il s'agit de faire ou d'exercer. Donc il y aurait là peut-être. Un tour de mettre en cache de commentaires universitaires. Et est-ce que c'est pas cela, et parce que je voudrais aussi par là revenir à un autre mot de votre texte, est-ce que ça n'est pas une sorte de canaillerie, justement? Puisque Foucault, Lacan, lorsqu'il il commente le texte de Wittgenstein sur le métalangage, il dit que Wittgenstein vient de détecter une canaillerie, et la canaillerie, c'est ça du métalangage. Est-ce qu'on ne peut pas dire, ou est-ce qu'on peut lire justement l'usage que vous faites du mot canaille dans ce texte-là, mais dans les noms en distinct, il y avait un chapitre consacré à la canaille qui a attaché cette question du langage du désir. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire donc qu'il y a une canaillerie universitaire et qui elle concerne justement cette sorte de neutralisation des puissances de ruse, des puissances critiques ou des puissances prescriptives des réflexions. Il y a, à mon avis, deux choses qu'il ne faut pas... Enfin, qui peuvent se relier, mais qui sont légèrement différents. Il y a ce que j'évoquais concernant la foule. Effectivement, on peut fendre la foule, c'est-à-dire avec, grâce à la ruse, on peut continuer de tracer son chemin au sein de la foule. Mais on dit aussi, l'expression, c'est que les rangs de la foule se referment. Autrement dit, une fois que le passage a été opéré, la foule se reforme, et comme si de rien n'était. Et c'est une chose. À mon avis, il ne faut pas s'en désespérer, c'est comme ça. Il faut le savoir. Il faut considérer que c'est dramatique ou que c'est tragique. Mais à mon avis, c'est comme ça. Pour éviter cela, il faudrait effectivement échappé à la détermination des foules, j'ai connu cela. Par exemple, Althusser avait rassemblé autour de lui un moment où son délire le laissait en repos des élèves dont le fonctionnement était précisément le contraire d'un fonctionnement de foule. Et il a nourri, je crois, ce qu'aujourd'hui je considère comme un rêve, il a nourri le rêve que, de cette manière-là, les rangs de la foule ne se refermeraient pas. Derrière, ils pourraient avancer. Il avait ainsi rusé avec la foule universitaire et encore plus la question du Parti communiste qui compliquait encore la chose. Il s'agissait de faire que le Parti communiste soit plus une foule, mais une organisation. Et, enfin, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Mais je pense que un tel rêve est un cauchemar. Et à croire que parce que l'on peut espérer prendre la foule, on peut aussi espérer qu'elle se refermera pas derrière nous, ça je crois que c'est un fantasme. Et croire qu'on va faire en sorte, par exemple, en rassemblant autour de soi un petit groupe, croire qu'on va éviter cela, ça je pense que c'est un cauchemar. Je pense que le parcours de Lacan à cet égard serait très intéressant à suivre. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas lui aussi pendant un temps nourri le rêve de fendre la foule de telle façon que ça ne se referme pas à la je pense qu'il a abandonné ce rêve c'est ça qui correspond à la dissolution de l'école à la fin de son parcours. Ça c'est encore une autre question. Ça c'est une première chose. Il y a une deuxième chose qui est la canaillerie. Alors qu'est-ce que c'est que la canaillerie? À mes yeux, je m'appuie là sur Lacan, la canaillerie c'est quoi qu'on dise, et quoi que dise le maître, ben celui qui est en position de maître, qui d'ailleurs n'est pas forcément un celui, peut-être une entité, peut-être un mot, que Lacan appelle le signifiant maître. Donc, quoi qu'on dise, et quoi qu'il vienne, comme dit du signifiant maître, on sera toujours en accord. C'est ça la clé. Il n'y aura jamais l'épaisseur d'un cheveu entre ce que je dis et ce que le signifiant maître souhaite que je dise. L'université comme institution est guettée par cette canaille. Forcément. Parce que son existence est entièrement dépendante de l'assentiment d'un maître, que ce soit le signifiant maître, que ce soit un gouvernement, que ce soit la société, entièrement de cet assentiment. Si elle n'a pas cet assentiment, ça n'est plus l'université. Ça n'est pas une université, c'est autre chose. C'est un enseignement clandestin, c'est à l'Évangile, c'est une sagesse. Par exemple, les philosophes grecs, les épicuriens, considéraient qu'ils n'avaient absolument pas besoin de l'assentiment d'un être. Mais ça, c'est pour l'Antique. Dans le monde moderne, ça n'est pas comme ça. Donc, une fois que vous avez que l'université, que l'on prenne l'institution, que l'on prenne ses membres pris un par un, dépendent dans leur statut d'un assentiment minimal, la question de la cavalerie est très très très très intéressante. Et c'est une tentation. C'est une tentation très très très très grande. Je ne crois pas qu'on puisse faire carrière dans l'institution universitaire sans avoir rencontré la question, quitte à s'en être détaché autant que possible, mais la rencontrer très certainement. La canaille, pour moi, ne se diffuse pas sans relation au signifiant maître. Et en fait, dans la théorie du métalangage, que Lacan isolait chez Wittgenstein, c'est tout simplement que ce qui vient du signifiant maître est toujours un métalangage sur ce que vous dites. Un autre écrivain, un écrivain polonais, essayait de décrire la situation du langage personnel, intime, sous le stalinisme, et disait, mais il y avait toujours un tiers qui était... C'est-à-dire qu'en fait, le parti était toujours en position de parler métalinguistiquement de quelques propos que vous ayez tenus, si secrets, si intimes qu'étaient les gens. Donc effectivement, la détermination du métalangage, la relation du métalangage et de la canaillerie est une relation forte. Mais je ne dirais pas, si vous voulez, que c'est le métalangage universitaire qui, par lui-même, épuise la notion de canaillerie. C'est parce que l'université dépend tout entière de l'assentiment, de son existence, dépend d'un assentiment sur lequel elle n'a pas de prise. Sans lequel elle n'existe pas et sur lequel elle n'a pas de prise. La différence, je reviens là-dessus, un professeur d'université, ça n'est pas un maître de sagesse. Le maître de sagesse ne s'autorise que de lui-même. Le professeur d'université dépend d'un assentiment. Il ne vient pas de ses étudiants. Il vient d'une institution, d'un état, et donc la ruse commence d'emblée, dès que mon enseignement universitaire commence. La nécessité de la ruse, de contourner cette prise d'un assentiment extérieur est inévitable. Donc, les noms propres qu'on a évoqués ici, Michel Foucault, Lamarck, vous avez commencé par évoquer Heidegger, Lacan, si on peut dire qu'il y a quelque chose d'une figure magistrale qui survit à travers eux dans l'université, c'est moyennant la ruse. Dans le cas de Heidegger, la canaillerie était assez ouverte. Oui. Peut-être que c'était la ruse la plus efficace pour pouvoir après faire entendre quelque chose d'autre. Enfin, il est clair que son discours sur l'auto-affirmation de l'université est un discours d'acceptation, de demande et d'acceptation de l'assentiment du signifiant maître, qui était folk. Je répète, peut-être que c'est ce que Hannah Arendt a pensé, peut-être que ça l'a affranchi et qu'après il est en quelque sorte libre de fendre la foule. Ce n'est pas mon sentiment à moi. Hannah Arendt a eu ce sentiment. Donc, c'était possible de penser cela. On ne peut absolument pas dire, comparer la position de Foucault et la position de Lacan. La position de Foucault est la position de quelqu'un qui n'a d'aucune manière souhaité être un maître. Il a souhaité être un professeur. La relation avec l'institution universitaire était pour lui consubstantiel à ce qu'il faisait. Il pouvait ruser plus longtemps avec les demandes de cette institution, mais il n'était pas question pour lui d'être autre chose. Et, en tout cas, pour la France, je sais qu'aux États-Unis, il a peut-être été tenté par la position de maître au sein de la communauté gay, mais je pense que c'est une tentation qu'il a écartée relativement. Être un maître de sagesse qui ne s'autorise que de soi-même, qui n'a besoin de l'assentiment de personne, qui est celui par l'assentiment de qui passent tous ses élèves, tous ses disciples, c'est la position du maître de sagesse, c'est quelque chose qui a existé. Ce n'est pas uniquement les figures religieuses. Épicure a eu cette position-là, les philosophes épicuriens ont eu cette position-là, la philosophie antique a permis cette position. C'est quelque chose que Foucault n'a certainement, en tout cas le Foucault de langue française, jamais souhaité. Lacan, c'est une autre affaire. Parce que l'enseignement de Lacan et la psychanalyse et ce qu'on oublie toujours, enfin toujours non, mais en tout cas trop souvent, la présentation de Malade est totalement différente de la psychanalyse, sont des choses qui se croisent et se nouent. Qu'est-ce que c'est qu'une présentation de malade ? J'ai assisté à quelques-unes, c'était très impressionnant. Et une présentation de malade, c'est une chose qui n'a de sens qu'au sein de l'hôpital, psychiatrique, pas du tout l'université. Mais dans le cadre d'un enseignement, sauf que c'est l'enseignement à l'intérieur de l'hôpital, pas la même chose que l'enseignement dans l'université. C'est une présentation d'un être vivant, le malade, qui a la parole, Lacan pose des questions, l'auditoire n'intervient pas, il suit la présentation du malade, il pose des questions, Lacan, le psychiatre, qui est un médecin est nécessairement un médecin, alors que le psychanalyste n'est pas nécessairement un médecin, le psychiatre qui est médecin, dans le cadre médical de l'hôpital, pose des questions pour susciter une parole. Ce ne sont pas des interrogations, des questions, des remarques. Et ensuite, le malade s'en va et le psychiatre commente. Et là, il peut échanger avec le public. Donc on est dans un espace totalement différent de la séance psychanalytique qui se passe en tête-à-tête, où le psychanalyste est censé parler le moins possible. La parole qui importe, c'est celle de l'analysant. Et bien entendu, il n'y a pas de public et il est interdit de poser la moindre question, enfin le psychanalyste est interdit de poser la moindre question concernant ce cas à l'extérieur. Là, on est dans un tout autre espace. Et pourtant, c'est, dans le cas de Lacan, c'est la même personne. C'est-à-dire, c'est le même Lacan. Et c'est le même Lacan qui va, troisième ressort, donner un enseignement. Non pas au sein de l'université, mais à ses propres yeux, à l'abri de l'université. C'est toujours son propos. Cette notion de « à l'abri d'eux » est très certainement une notion qui a un rapport avec la ruse. C'est-à-dire que la psychanalyse, ni la psychanalyse, ni la psychiatrie ne se conforment aux exigences de l'université, bien par essence, telle qu'elle se constitue. Et pourtant, quelque chose de l'ordre d'un enseignement doit être possible. C'est ça l'hypothèse, en quelque sorte. C'est une hypothèse qui est largement partagée et qui, pour autant, n'est pas du tout évidente. Est-ce que, dans ce cadre-là, Lacan a fonctionné comme un maître? Sans doute, pour certains. Mais je ne suis pas sûr que ce ait été objectivement, si j'ose dire, le cas. Je pense que c'est plus. En tout cas, si je pense au dernier séminaire, à partir du séminaire 20, je pense qu'on est plutôt dans l'ordre de ce que j'appelle la ruse à l'égard de la foule universitaire. Et en plus, c'était une foule matérielle. Son séminaire, était, paradoxalement, si on se demande ce que signifie un séminaire, était facilement plus d'une centaine de personnes. Alors que la présentation de malade était un nombre beaucoup plus petit, mais malgré tout une trentaine de personnes. Et je pense que pour comprendre la relation de Lacan à la position de maître, il faut faire intervenir non seulement son séminaire, mais aussi, bien entendu, la séance psychanalytique, mais surtout la présentation de malade. Outre le fait que la présentation de malade a eu le rôle, devait avoir le rôle, et a eu le rôle de fait de formation continue pour le personnel psychiatrique de l'hôpital. Autrement dit, le public qui était là, c'était beaucoup d'infirmiers qui avait reçu une formation dans la famille psychiatrique, la formation qu'il avait reçue à l'époque, elle était plus ou moins cadre. Donc, c'était une formation continue. Là, quelque chose qui ressemble à une fonction que l'université pourrait remplir, mais qui ne peut pas être remplie par l'université, parce qu'il faut que ce soit dans l'esprit de l'hôpital psychiatrique, il faut que ce soit dans cet espace parce qu'il faut que ce soit un malade qui a été par l'institution reconnu comme relevant de la maladie mentale avec telle et telle étiquette qui d'ailleurs, je l'ai vu, peut-être pouvait parfaitement être remise en cause par Lacan. Me présente tel malade avec tel diagnostic, pas du tout, je ne crois pas du tout, il donnait les raisons pour lesquelles, enfin, c'était quelque chose, et tout ça pour dire que malgré l'apparence, et peut-être malgré une forme de comportement social qui tendait vers la position de maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est le, en quelque sorte le point zéro d'un enseignement, pour un nombre déterminé de disciples, je ne crois pas du tout que c'était ça. Que c'était une tentation, oui, ça c'est possible. Mais ça a été une tentation pour Freud, ça a été une tentation pratiquement pour tous les analystes. Encore aujourd'hui, je ne serais pas étonné que ce soit encore le cas aujourd'hui. Moi, c'est une tentation, et si j'osais employer ce vocabulaire, je pense que c'est une tentation diabolique. Une tentation faustienne. Méphistophénès qui arrive en donnant le secret de la jeunesse éternelle. Je crois que c'est précisément quelque chose à quoi il faut se rebeller. Et je répète, c'est autre chose que ce à quoi les universitaires ont affaire. En tout cas, pour ce que vous disiez tout à l'heure sur cette tentation chez Lacan, une fois que je trace mon chemin en fondant la foule, que ça ne se referme pas derrière moi, je me suis souvenu, mais je pense que c'est un séminaire ancien, ça doit être les années 68. Une sorte de monologue, comme ça, des discours de Lacan qui commence par « Malheur au nécrophage ». Au nécrophage, c'est-à-dire, il dit « En médecine légale, on appelle squad de la mort, les insectes qui viennent s'occuper des corps en décomposition, et bien, j'appelle ça l'activité des universitaires. Et malheur au nécrophage qui vont venir sur mon corps, prennent mes déchiqueter les morceaux de mon travail, etc. Donc là, c'est peut-être un désir de dernier mot, de dernière parole, un refus peut-être que son œuvre soit remise au travail, en chantier. Oui, mais bien entendu. Mais là où il n'y a pas de nécrophage, les gens se plaignent beaucoup. Parce que il vaut mieux qu'il y ait des nécrophages pour que les chairs ne tombent pas en putréfaction. Donc, personne n'a envie d'être l'aliment des nécrophages. Mais le fait que cela se produise, c'est ni un malheur ni un bonheur, c'est la nécessité même de la mortalité. Pour dire les choses autrement, je serais pour ma part, s'il le fallait, très, très inquiet si l'université cessait d'être nécrophage. C'est une tentation. Aujourd'hui, par exemple, après tout, quand vous avez des bons esprits qui disent « Mais à quoi bon parler sans arrêt des mâles blancs morts pourquoi ne pas parler des vivants ?» Bon, c'est condamné la fonction nécrophagique de l'université. c'est une tendance très forte, comme vous le savez, aux États-Unis, liée, à, liée aux, aux études post-colonial studies. S'il n'y a pas un minimum de nécrophagie, il n'y a pas d'université. De façon générale, s'il n'y a pas un minimum de nécrophagie, il n'y a pas de société du tout. La société, elle commence avec la possibilité que les morts ne disparaissent pas dès l'instant qu'ils meurent. Qu'est-ce qui différencie une société fourmis par exemple, d'une société humaine? C'est qu'il n'y a pas de cimetière de fourmis. Et que dans la plupart des sociétés humaines sédentaires, il y en a un truc d'autre à faire, sociétés humaines sédentaires, il y a des cimetières. Et qu'est-ce que c'est que les cimetières? C'est une forme de nécrophagie, liée par les pierres, mais enfin, c'est une forme de nécrophagie. Et une société sans nécrophagie, à mon avis, est une société qui se vit elle-même. Donc, je crois que il ne faut pas aller trop loin dans le malheur voué au nécrophage. Ou alors, c'est en gros un malheur qui est en même temps un éloge. Je crois que nous arrivons à la fin de l'attention. On n'a pas excédé de... Donc là, à la fin. Il y a encore au moins une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure, je ne voudrais pas forcer l'attention au-delà de moi, je... Vous voulez qu'on se prenne? Oui, je crois qu'on va s'arrêter. À moins qu'il y ait des questions. Il y a encore une question. Peut-être, c'est... Il y a apparemment, à vous entendre, finalement, canaillerie... un mélange de l'allégeance et de connivence, de savoir partager, implicite, continuer à faire les choses comme tout le monde doit les faire, appelle peut-être même la matrice, la condition même de la ruse. Et ruse et canaillerie sont comme deux larrons en foire. Et on, dans ce monde, du coup, comment véritablement sortir de là pour faire entendre quelque chose, une voix, développer des perspectives qui ne soient pas justement ou bien reprises par la foule qui arriverait à coincer le rusé, qui n'aurait pas eu le temps de la passer et qui l'étoufferait, ou qui ensuite, une fois le laisserait passer et après cela continuerait à faire ses petites affaires comme avant, ni vu ni connu. Si la ruse cesse de marcher, vous changez de ruse, si j'ose dire. Et le problème n'est pas, c'est ça la différence avec la canaillerie, c'est que le problème n'est pas justement de se régler sur l'assentiment que le signifiant maître peut donner ou refuser. La rue, c'est ce qui permet au refus l'assentiment de demeurer sans conséquence. Trop extrême. Et aujourd'hui, je vous répète, on est dans une phase où la demande, enfin, le besoin d'assentiment, le besoin matériel d'assentiment, la demande, le besoin matériel d'assentiment est spécialement grand. Parce qu'on a affaire à un signifiant maître qui fait l'objet d'un ralliement général. Même ceux qui contestent la mondialisation de la forme de marchandise ne conteste pas qu'elle ait lieu et ne conteste pas qu'elle soit déterminante pour tous les instants de la vie. Donc, c'est ça que j'appelle le consensus. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qui pouvait se passer. Je reprends la formule de Seyès. Qu'est-ce que le tiers état? Rien. Que devrait-il être? Que pourrait-il être? Tout. Que veut-il être? Quelque chose. Ben, c'est pareil, parce que au moment où le tiers état n'est rien, le signifiant maître dit le tiers état n'est rien, il y a la contre-proposition qui se fait entendre et qui va finalement rallier autour d'elle. Aujourd'hui, on n'est pas en situation là. Je ne vois pas, je n'entends pas des discours qui disent ouvertement, pour sortir de l'univers qui est le nôtre, pour sortir de la forme marchandise, il faut qu'il n'y ait pas d'économie. La notion de richesse n'est pas de sens. Il me semble que tous les discours qui condamnent la situation présente disent qu'il faudrait une autre économie. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'il ne faudrait pas d'économie, ou il faudrait une autre distribution des richesses. Ce n'est pas la même chose que de dire que la notion de richesse n'a pas de sens, ne devrait pas avoir de sens. Et c'est ça que j'appelle le consensus. Il me semble que si ce que j'ai écrit sur la Révolution, aujourd'hui un discours révolutionnaire, s'il devait être différent, le seul discours révolutionnaire qui, à mon avis, a eu des effets qui répondaient à ce qu'est la volonté révolutionnaire, évidemment, c'est celui de la Révolution française. Le discours de la Révolution, le révolutionnaire soviétique, a abouti au contraire de ce qu'il souhaitait. Le discours de la révolutionnaire chinois aboutit au contraire de ce qu'il souhaitait. Et je pourrais donner d'autres exemples. Donc, le seul discours révolutionnaire qui ait eu des effets qui soient conformes à ce qui était son dessein initial, avec des accidents, enfin des contournements historiques que l'on connaît, mais quand même, c'est le discours de la Révolution française. Or, le discours de la Révolution française est fondé sur l'idée qu'il y a de la richesse, que l'économie, ça existe, et que le problème de la Révolution, c'est de faire en sorte que la richesse soit répartie le plus équitablement possible et que l'économie soit gérée de la manière la plus juste possible. Aujourd'hui, si on veut dépasser cette limite que la Révolution française a marquée, il faut aller beaucoup, faire un pas de plus et dire l'économie, ça n'existe pas. La richesse, ça n'existe pas. Et donner un contenu à cette pensée-là, moi je n'en sens pas capable, mais je pense que c'est une vraie question. Parce que sinon, on obtient des variantes gentilles du capitalisme. Un capitalisme du tout, plus sourd. Soumis. Non, c'est une vraie question. Par exemple, je suis très frappé par le fait que la vraie question que pose l'écologie, c'est est-ce que ça a un sens de considérer les ressources naturelles comme des ressources. plein de sens. Donc je pense qu'il y a là toute une voie à tracer. Pour la tracer, je pense qu'il faut travailler, bien entendu. Et si on arrive à quelque chose, pour le faire entendre, il faudra pratiquer un certain nombre de ruses. Ça va tellement contre le consensus général. Merci. Merci beaucoup. Personne ne me parle.